La délégation du Comité olympique de la République populaire démocratique de Corée, conduite par le ministre de la Culture physique et des Sports, Lee Jong-moo, président du Comité olympique national, a regagné la patrie par vol le 27 août, au terme des 31e Jeux olympiques tenus à Rio de Janeiro, Brésil.